L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Améliorer la société. Réflexion et dialogue scientifique. On nous apprend beaucoup à dissocier. Or, on peut faire beaucoup plus de choses par association. La réflexion scientifique et la philosophie permettent d'associer les idées qui sont des hypothèses venant d'expériences. Cela permet de sublimer notre créativité. Notre esprit, quand on lui a posé une question, se rappelle. Il recherche alors, de lui-même, une solution avec les rêves et la méditation. La méditation permet, avec de la musique qui permet de réfléchir pour agir, d'avoir des rêves constructifs. La question posée amène alors des hypothèses à vérifier. Il est important d'écrire ces hypothèses afin de mieux les demander ensuite. Par le dialogue, on va trouver des réponses pouvant amener d'autres hypothèses. Le dialogue philosophique va permettre de vérifier les hypothèses et d'associer les idées. Le dialogue, où l'on se montre par la politique, permet alors de se mettre d'accord grâce à la science. On peut valoriser une science plutôt qu'une autre, mais il faut alors démontrer cette science telle qu'on l'entend. Vous me dites que cela fait trop d'hypothèses sous le bras. Non, on peut trouver une hypothèse supérieure qui englobe un ensemble d'hypothèses trouvées précédemment. Cette hypothèse supérieure peut alors créer chez nous la passion, c'est-à-dire un travail voué à cette hypothèse supérieure galvanisée par notre recherche de vérité. Certaines hypothèses supérieures nous donnent confiance pour notre subjectivité. On pourra alors comprendre une partie de notre subjectivité scientifiquement afin de résoudre une partie de nos défauts. Avec l'histoire de sa famille, on comprendra alors ce qui pourrait nous arriver. Son ou sa partenaire pourra alors prévenir sur cet avenir délicat. L'hypothèse supérieure va alors nous demander d'utiliser un axiome de la science, une vérification dans la nature ou l'univers. En effet, le seul moyen d'être sûr de soi, c'est d'utiliser la science qui permet d'effacer des choix hasardeux. Si on se réfère à la science pour élaborer des projets, on peut plus difficilement être remis en cause, car la science permet de comprendre la nature et l'univers. La science permet de choisir judicieusement. La méditation permettra d'utiliser l'inconscient de la raison si notre esprit se gargarise de raison. Ainsi, l'esprit pourra réfléchir scientifiquement lors d'un dialogue. Son axiome trouvé peut alors remettre en cause d'autres axiomes. Il est donc nécessaire d'utiliser le dialogue et les expériences pour trouver d'autres voies de recherche. On devient alors un véritable chercheur, capable d'écrire une démarche scientifique. On dialogue pour trouver de nouvelles expériences. On transforme sa recherche de vérité en recherche de vérité scientifique. Ces hypothèses deviennent articles grâce aux lectures sur les limites de l'humain. Notre recherche de vérité nous pousse à comprendre les limites de l'humain. Il est alors intéressant de se créer une culture pour améliorer une ou des limites de l'humain. Cela permet de devenir un chercheur passionné, galvanisé par combler une partie mal explorée de l'humain. Mes notes. Commencez à utiliser l'association d'idées demandant à méditer, philosopher, dialoguer avec les autres. Utilisez cette association d'idées pour vos projets, perfectionnez-vous dans une activité permettant de convaincre. Essayez de répondre aux hypothèses que l'on se fait par le dialogue et la méditation. C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL.